la rage de perdre. C'est décidé, c'est déterré, j'ai mes idées, déterrer la hache de pierre. J'attends que ma plume se décide, que la brume se dissipe, pour que le roi crève, pour qu'on m'accuse d'homicide. J'écris des phases qui se volent nocives. Remets l'église au milieu du viseur quand vos curés violent nos fils. On en a rien à cirer, rien de neuf, on est neutre comme nos grenades en Syrie. Je m'applique sur eux ces lignes, ouais c'est comme ça, constate qu'un flic sur deux sait lire. J'écris, j'appelle à l'aide, le cercle, mon équipe, on hésite à kidnapper la reine. Je vise un point précis dans le ciel, où ton crâne en campagne présidentielle. Dans mes faces calées sur instru, je te parle du bénéf, du BS, la face cachée de la thune. De plus, là c'est dans la brume qu'on avance, quand j'apprends que t'as des puces placées dans l'anus. Le but c'est de nous baiser, quand le prix de ton opinion c'est le budget de l'UDC. Dans les élections ils arrivent, on a le choix de façon droite facho ou la gauche inactive. Moi j'écrirai sur vos pages de pub qu'on a perdu le nord car il exploite le sud. Vous savez que ce monde rend ma boule investir, vous n'avez que ce mot dans la bourse. On a légalisé leur frasque, plus importante que l'égalité homme-femme. Je mets des rimes sur mon époque, c'est pour les instruire. Qu'on met des flics dans les écoles, qu'on m'arrache le pic, c'est un massacre. Ils cassent la baraque et Obama c'est le fric. Ouais, ils arrivent à la rescousse, c'est bizarre. Et puis à le pillage des ressources, ça l'embête l'Irak. Le recours à vos troupes en retour, ce pays vous en bénira. J'ai la rage au creux de mes mains, après les essais nucléaires, t'inquiète. Ça ira mieux demain, frérot. C'est la faute à personne. Vos lobbies arment la Libye contre un puits de pétrole. Ouais, vous le déverserez dans la mer. L'or noir pour moi, la diversité de la presse. Quand l'horreur rapporte, l'Europe remporte le prix Nobel de la paix. Quand je dis ça, on me dit que j'abuse, mais j'oublie pas qu'elle a financé des dictatures. Bon, celle-là, elle est gratuite. Y'a des cons partout, sans quoi y'aurait pas de flics. La situation était parfaitement résumée. Résumé, oui. Ça tire dans tous les sens, tu sais, voici l'essence du texte, toucher le fond dans tous les sens du terme. La forme, c'est quand le fond remonte à la surface. Ça tire dans tous les sens, tu sais, voici l'essence du texte, toucher le fond dans tous les sens du terme. La forme, c'est quand le fond remonte à la surface. On garde espoir. On représente sa force. On garde espoir. On représente sa force. On garde espoir. On représente sa force. On garde espoir. On représente sa force. Et le showbiz nique sa mère.